بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نقرأ عليكم هذا الكلام الجميل للإمام المفسر القرطبي رحمه الله تعالى. On lit ensemble ce kalam, cette parole profitable, inshallah, de l'imam al-Qurtubi sur As-Sirat. On a étudié ensemble dans notre dars de Al-Lamiyya, ma yata'allaq bi As-Sirat, mukhtasaran. As-Sirat, c'est le pont que Al-Mu'minoun y traverseront avant de rentrer fil Jannah. Ou l'imam Al-Qurtubi, rahmatullah alayh, il fait un rappel wa al-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Wa dhakir fa inna al-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Il a un kitab tayyib al-tadhkira, rahimahullah. Et ce livre, il traite le sujet de la mort et de tout ce qui vient après la mort. Wa al-mu'min, il doit da'iman se rappeler de hada. Al-maut, c'est une étape qu'on traversera tous. Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. وقال عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, la mort, elle vous atteindra. On doit se rappeler de هذا دائما. لأن en tant que عبد, en tant que عباد, on n'a pas été créé sans aucun but. Là, tu as été créé, أيها الإنسان, pour quelque chose de عظيم. Et tu rendras des comptes. فلهذا العلماء ينصحون, toujours en se basant sur des textes du Coran et de la Sunna, sur ces étapes qui viendront après la mort. قال رحمه الله تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته. تفكر, أي rappelle-toi. Al-an. Pourquoi? L'Anna se rappelle l'an et te profitera. Si on se rappelle dans ce bas monde, et avant de mourir, si on se rappelle tout ce qui arrivera après la mort, et il est question dans la tombe, thumma la résurrection, thumma al-wukuf bayna yadayillah, et yawm al-qiyama, thumma les comptes, al-mizan, thumma sirat, thumma al-jannah, ou le nar, iyadan billah. Si on se rappelle de tout ça, ça sera bénéfique pour nous. Fi dunya wa fi l'akhirah. On en profitera. Qala, tafakkar al-an fi ma yihillu bik min al-faza'. Al-faza', c'est le khawf, la peur. Quand tu verras as-sirat wa diqqatahu. Et taqaddam ma'ana dans notre dars fi l'lamiyya, anna ce sirat, ce pont, anna hu, il sera au-dessus du nar. Et dans certains hadiths, anna hada sirat, il sera ahaddu min as-sayf, il sera plus tranchant qu'une lame. Fata'ammal, si tu réfléchis et tu médites et tu es convaincu annaka tu seras obligé de traverser ce sirat, tu feras tout pour faire partie de ceux qui traversent bisalam, et ceux qui arrivent à le traverser et كذلك faire partie de ceux qui le traversent rapidement. قال رحمه الله ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته. Et كذلك en dessous de ce sirat, tu verras la noirceur de النار. Tellement que هذا النار, il est brûlant. Enfin, sa couleur c'est السواد. قال ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيضها. Donc al-mu'min, il verra ce sirat qui est aussi tranchant qu'une lame, et il est très fin. كذلك il verra النار, et كذلك il entendra des bruits. كما قال عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Cheikh Saadi rahmatullah alayh, comme on a lu dans notre dars fil lamiyya, قال أصوات, c'est des أصوات مزعجة, et des bruits effrayants. قال وقد كلفت أن تمشي على الصراط. كذلك الله سبحانه وتعالى يتوضنغا دو ترافيرسي. فاسكو الان سو موقف لي سامبل اخي الكريم, اسكو اون اي بري بور ترافيرسي؟ سي سا لي كيستيون كون دوا سو بوزي. Ne pas se poser des questions d'aïmen que sur dunya, que sur l'argent, que sur notre santé. Il y a des choses plus importantes, bien sûr, sans délaisser ces choses, tant que c'est dans le halal. Lakin, délaisser al-aham et délaisser cette étape, ça montre que ce insan, il n'est pas muwaffaq. Qala azza wa jal, idha ra'athum min makanin ba'id, سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Quand le nar, elle verra ces personnes qui approchent, قال عز وجل إذا رأتهم, quand elle les verra de loin, أي النار, سمعوا لها, ils entendront تغيظا وزفيرا, أي من النار. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه ويكاد الواحد منهم يموت خوفا, أي si ce insan il pourrait mourir, il serait mort. من هذا المنظر et ces bruits et tout ce qu'il voit. لكن il n'y a plus de mort. C'est fini الآن. الآن c'est la demeure éternelle. فريق في الجنة فريق في السعير. قال رحمه الله ويكاد الواحد منهم يموت خوفا وذعرا. الذعر c'est شدة الخوف. فقد غضبت عنهم لغضب خالقهم أو لغضب خالقها. النار, elle est en colère, c'est pour ça qu'ils entendront ce bruit. سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Pourquoi? لأن النار, elle est en colère. لأن الله عز وجل, il est en colère contre ceux qui lui ont désobéi. Donc, أخي الكريم, pose-toi ces questions avant qu'il soit trop tard. Pose-toi ces questions avant d'être dans cette situation. لأن on peut se corriger. من تاب تاب الله عليه. Celui qui fait التوبة, الله يتوب. عنه قال رحمه الله بعد ذلك وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك. Surtout il ne faut pas oublier que avant ce sirat il y a eu l'étape de يوم القيامة, ce jour qui est équivalent à 50 000 ans. ثم il traversera الصراط ce عبد. Donc il est في حالة ضعيفة. قال واضطراب قلبك, et son cœur كذلك, il est في خوف, il est في إزعاج, il est في ضيق. وضعت عليه أو وضعت عليه إحدى رجليك. Rappelle-toi أخي الكريم, quand tu poseras ton premier pied sur الصراط, et ce صراط il est aussi tranchant qu'une lame. فأحسست بحدته. نعم, لأن ce صراط il est aussi tranchant qu'une lame. Et dans une riwaya adaqqu min ash-sha'r, aussi fin qu'un cheveu. Alors réfléchis à quand tu poseras ton pied ala hada. Dans ce cas-là, tu verras l'utilité de l'iman et de tes œuvres. Qala wa turirta ila an tarfa' qadamaka ath-thaniya. Et tu seras obligé de faire passer ton autre pied. Si tu commences par le pied droit, enfin tu seras obligé de faire l'autre un autre pas. Ay faire avancer ton pied gauche, ثم ton pied droit. قال والخلائق بين يديك يزلون ويتعثرون. Et كذلك tu verras certains qui tomberont في النار عيادا بالله. Tu verras d'autres qui auront du mal à avancer. الآن certaines situations في الدنيا, si tu vois certaines choses, ça peut être un accident ou quelque chose qui n'est pas habituel, ça te fait beaucoup de mal. لأن تا با لابيتود دو فوار هذا المنظر. أما في هذا الحال الأمر لأشد. قال وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب. كما نبي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. أي sur les côtés de ce sirat كلاليب, أي des crochets. Et certains, ils seront attrapés par ces crochets, عياذا بالله, et jetés في النار. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال دحض مزلة, أي هذا الصراط دحض مزلة, أي c'est un endroit la tathbut ou la tastaqir fihi al-aqdam. C'est comme un endroit glissant. C'est très dur d'avoir l'équilibre et de marcher. Ma'a hadha fihi khatatif, قال النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a des crochets. Wa qala alayhi salatu wassalam, na'am. فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمٌ. Donc réfléchis, akhi al-karim, est-ce que tu vas faire partie de cette catégorie فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ qui va traverser, qui ne sera pas attrapé par ces crochets, أو عياذا بالله مكدوس في نار جهنم. ففي هذا الحال il n'y a plus moyen de tricher, de mentir, de ne pas assister, de faire exprès de retarder. Là, là chacun il sera ordonné de traverser هذا الصراط أي من المؤمنين. قال رحمه الله وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم أو أرجلهم فيا له من منظر ما أفضعه. القرطبي رحمة الله عليه il te décrit الآن la situation pour que tu t'imagines. Et في الحقيقة voir c'est pas comme raconter, لكن ça t'aide. Celui qui lit sincèrement et qui a une عقيدة صحيحة, un iman qawi, fa mithl hadha al-kalam sa ladra jiddan. Qala wa murtaqa ma as'abuh aw ma as'abah wa majal ma adyaqah fa allahumma sallim sallim. Ay, il te montre que c'est une situation qui va être très dure. Là, on ne sait pas est-ce qu'on fera partie de ceux qui réussiront amla, ceux qui traverseront amla. L'insan yatadhakkar, fais attention à Akhil Karim de l'ghafla. Nous on se conseille beaucoup et souvent sur mitl hadhihi al mawadhi, sur ce genre de sujet, li anna walillahi alhamd, on sait que ad-dunya c'est très dangereux et on sait que kathirun min an-nas, ils ont oublié, surtout à notre époque, ils font plus d'efforts, ya'ishun comme s'ils ont été créés que pour ad-dunya. Aucun effort fi ad-din, aucun effort fi al-ilm, aucun effort pour s'améliorer. Faqat des efforts pour rapport à ad-dunya. L'essentiel c'est de s'améliorer fi ad-dunya. Il pense à son avenir fi ad-dunya. Et pour rapport au din, les efforts ils sont peu. Falihada, on se rappelle. Ta'ammal qawl Allah azza wa jalla alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum al-hayat ad-dunya. Qu'ils ont pris leur din, lahoun ou la'iban. Ils n'ont pas pris au sérieux. Ba'dahoum, leur din, c'est pas quelque chose de sérieux. Un jour il fait, un jour il fait pas. Un jour il se moque, un jour il est sérieux. Wa gharratuhum al-hayat ad-dunya. Lakin quand c'est dunya, il est attiré par dunya. Et à cause de cette dunya, il oublie son din. Qala azza wa jal, falyawma nansahum kama nassu liqa'a yawmihim hada. Aujourd'hui, on les oubliera ce jour. Et pour traverser le sirat, yawm al-qiyam, al-hisab, al-mizan, toutes ces étapes, il les a oubliées. Fallah subhanahu wa ta'ala, il le délaissera. Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadu. Kadhalik, la cause, annahum, ils croyaient pas au verset d'Allah Azza wa Jal. Ils croyaient pas en toutes ces informations. Ils entendent le sirat, le pont, le mizan, tout ce qui se passe à Yom Qiyamah. Pardon, ils ne croient pas. Pour lui, c'est comme des fables, des contes. Lakin, ce jour-là, ça sera le jour des regrets. Fa'anta akhil karim, prépare ce jour. Ce jour, comment on peut le préparer, nahnu? Ay as-sirat, pour faire partie de ceux qui le traverseront rapidement. Bil'amal, il n'y a pas d'autre solution. Mourir à l'islam, faire des efforts fi tawhid, s'écarter du shirk, s'écarter des bid'a, des innovations, s'écarter des khurafat, s'écarter de imiter le kuffar, faire des efforts pour suivre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour appliquer le Coran al-Karim, et tu œuvres sincèrement et en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fayamur al-mu'minun ka taraf al-'ayn wa kal barq wa kal rih wa kal tayr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré à certains mu'min, ils traverseront à la vitesse d'un clin d'œil, d'autres comme la vitesse de l'éclair, d'autres comme la vitesse du vent, d'autres comme la vitesse d'un oiseau. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تجري بهم أعمالهم تجري بهم أعمالهم. C'est quoi qui fera que un tel il traversera rapidement et un autre plus lentement? C'est l'a'mal. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تجري بهم أعمالهم. Et كذلك قال عليه الصلاة والسلام يجي الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. حتى un homme, il aura du mal à traverser, il finira en rampant. C'est là que tu vois l'importance des a'mal. C'est là que tu vois l'importance de l'iman. Enfin, fais des efforts. Wala taqtar bihadhihi ad-dunya. Et kadhalik, ne fais pas attention à ceux qui essayent de t'éloigner de hada al-khayr et de l'ilm, de l'amal al-salih, de sunnah, et pense à ce jour. Wallahi, ce jour, que ce soit avant sirat ou sur le sirat, ou dans la tombe, ou la résurrection, ou le wukuf bayna yadayillah, tu seras tout seul. Ni parents, ni enfants, ni amis, ni mal. Chacun pensera à lui-même. Asallah subhanahu wa ta'ala, al-thabat, wa an yukhtim lana bil khayr. Subhanak la muhamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.